ce que vous dites sur des consommations qui vous semblent finalement très marginales, c'est contestable, c'est probablement même faux. En masse, ça représente quand même des gains potentiels d'économie d'énergie relativement importants. Et puis surtout, tous les enjeux aujourd'hui sont sur les pics, sur des courbes de charge, où à un moment donné, il y a des demandes qui sont très très fortes et pour lesquelles ces systèmes-là sont censés répondre à la demande. Il y a une réalité, c'est qu'on a des fournisseurs énergétiques historiques qui sont extrêmement puissants. Il y a des gestionnaires de réseau qui sont très très puissants. Il y a une filière qui est très structurée. Vous posez la question de savoir si ça est rentable. Moi, je peux vous dire que c'est extrêmement rentable. C'est pas si rentable, c'est coûteux aujourd'hui au développement, mais si à terme on déploie, ce sera très rentable. En témoignent leur intérêt et leur assiduité au montage de projets où ils sont tous. Alors, je ne sais pas si c'est être idiot ou faiblement solliciter nos compétences que de nous demander simplement de reporter un chiffre de consommation. Mais j'ai envie de dire, si le pendant de ça, c'est de faire de nous tous des experts, c'est tout aussi contestable. Normalement, en 2015, les bailleurs seront censés apporter de l'information. Sauf que si c'est une information que j'apporte à quelqu'un qui n'est pas en situation de réguler thermiquement, encore une fois, qu'en ouvrant sa fenêtre, au final, on stigmatise beaucoup plus qu'on informe. Avec toute cette logique de vouloir aller vers des formes de factures très individuelles, c'est juste pour dire qu'entre quelqu'un qui était complètement captif, qu'on souhaite faire monter en compétence pour en faire un expert, si au final, la marge de manœuvre pour agir est très faible, je crains qu'on s'installe dans des formes d'opposition, voire de tension entre ceux qui seront catégorisés de très vertueux et puis d'autres. Là, ça risque un peu de tendre et de monter un petit peu des catégories. Nous, on parle souvent de catégorie repoussoir, c'est-à-dire de désigner l'autre un peu comme le fautif. Et j'arrêterai juste en disant que vous parliez de ville post-carbone. Nous, un des résultats de la recherche qu'on a faite sur Tours, c'est qu'on n'est plus tout à fait sur la question énergétique, mais c'est que les gens de l'hypercentre, qui sont finalement les moins pénalisés sur les alternatives en termes d'offres modales, commencent à voir les gens des zones plus périurbaines comme les véritables responsables des formes de pollution. Et là, il y a des craintes à avoir.